L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « Conduite présomptueuse ». En voici le résumé. L'OTAN, dispositif américain en Europe, se conduit de façon présomptueuse. Le 15 dernier, le Conseil de l'Atlantique du Nord, organisme de vote des décisions de l'OTAN, a convoqué une réunion spéciale pour lancer une déclaration contre une mesure autodéfensive destinée à renforcer les forces nucléaires. La déclaration indique que les actions coréennes sont la violation de l'obligation du droit international, comme les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, et le défi au système de non-prolifération nucléaire, et qu'elles accroissent la menace contre la paix et la sécurité internationale. C'est tout à fait anormal que l'OTAN, ayant pour but la défense de la paix et de la sécurité dans la région d'Atlantique du Nord, s'immisce aux affaires coréennes, bien qu'il n'en ait aucune qualité. Mais il est clair qu'à travers cette déclaration, l'OTAN s'est dévoilée elle-même qu'elle n'est rien d'autre que la marionnette des Américains, tout comme le pouvoir fantoche sud-coréen, et surtout qu'elle ait une existence facile à tel point qu'elle agit même sur la demande des fantoches sud-coréens. On dit qu'avant la publication de cette déclaration, le sous-secrétaire général de l'OTAN et le deuxième vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'étaient entretenus. Il est vraiment ridicule que l'OTAN, institution internationale, a été manipulée par le pouvoir de Park Geun-hye en état d'agonie par suite de l'affaire scandaleuse sans précédent. Vaut mieux que l'OTAN finisse son existence, car c'est un dispositif détruisant la paix et la sécurité internationale, au lieu de fourrer son nez dans les affaires d'autrui sous la baguette des fantoches sud-coréens, sans savoir l'essentiel du problème ni principe.